fait de moi l'instrument de sa gloire, comme un chant qu'il a écrit de sa main dans le refrain et son nom. Oh, il tient dans sa main les parcours de mes lendemains, une belle histoire de bonheur et de grâce, comme un jardin planté de sa main dont les fruits font ses délices. Il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière, et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force, je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire. Je contemplerai la beauté de mon roi qui règne sur mon pays, que sa lumière nous éclaire. Il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière, et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force, je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire.